salam. Je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce cinquième épisode de Memento. Et oui, déjà, je m'appelle Asma, je suis très contente de vous retrouver pour passer un super moment après ces derniers jours assez particuliers, on peut le dire. Alors, comme toutes les deux semaines, on va passer la prochaine heure ensemble à se faire des blagues, se raconter les gros fails de nos vies et surtout à écouter de la bonne musique. Petit rappel de notre nouvelle formule avant de commencer. Alors, c'est une demi-heure de récit comme d'habitude. Et ensuite, on enchaînera avec une deuxième partie entièrement consacrée à la musique. Mais avant de se lancer, comme toujours, un petit rappel de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent avec Arthur. Memento, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Bonsoir, bonsoir à tous. Dans l'épisode précédent, Églantine, notre héroïne, a perdu son job après être sortie en trombe du supermarché où elle travaillait. Les fesses posées sur un caddie, elle est sortie en trombe, donc avec un extincteur à la main comme réacteur. Aujourd'hui, elle est diplômée et c'est donc le grand moment tant attendu par tous les étudiants qui viennent d'enchaîner plusieurs années de gardaille, de blocus et de fainéantise bien calculée. J'ai nommé l'inemploi, le désœuvrement, le chômage, bref, le chômage. Ça fait 3 mois qu'elle cherche et qu'elle ne trouve rien. Décrocher un entretien, c'est mission impossible. C'est bien pire que tu ne crois. Bon, à l'intérieur de la chambre forte hermétique, il y a 3 systèmes en action à tout moment où le technicien n'est pas présent dans la salle. Le premier est sensible aux vibrations acoustiques. Tout son qui dépasse l'intensité d'un murmure le déclenche. Le deuxième système détecte toute élévation thermique. Le troisième système est dans le sol. Il est sensible à la pression. Le moindre accroissement de poids déclenche l'alarme. Si l'un quelconque de ces systèmes est mis en route, tout le secteur est automatiquement bouclé. Et tu crois vraiment qu'on peut réussir ? Nous allons réussir. Églantine s'est levée à midi. Pas de boulot, gros dodo, crevée à rien foutre. Elle réchauffe son plat d'hier midi parce que la flemme. Et voilà, les pâtes gratinées au knacky tournent dans la lumière molle du micro-ondes. Aujourd'hui, on est lundi, ou mardi, elle sait plus trop, mais c'est comme si c'était dimanche au final. Hein. Elle se pose devant son ordi avec comme objectif de chercher, et qui sait, peut-être trouver une offre d'emploi intéressante. Elle regarde tous ses mails, elle reçoit plein de choses de ses potes, mais il y a toujours quelque chose qui foire. Si c'est pas la langue, c'est l'endroit, ou le manque d'expérience, évidemment, on devrait avoir déjà 10 ans de travail derrière nous alors qu'on sort des études, ou alors c'est un stage, ou bien c'est encore le fameux bénévolat. Et donc voilà, à un moment, elle va même jusque dans ses spams en espérant, on ne sait jamais, découvrir une réponse, même négative. Elle serait quand même contente d'être un peu considérée. C'est le vide intersidéral. Voilà, sa demi-heure d'occupation de la journée est terminée. Et du coup, elle continue, elle relance des mails, elle envoie des candidatures inutiles, elle passe des heures à adapter son CV et sa lettre de motivation selon la boîte où elle postule. Elle sait que ça ne servira probablement pas à grand-chose, mais on ne sait jamais, l'espoir fait vivre. Couleur du blues. poussière d'avant. Ça y pense, y repense, littéralement, mais rien ne se passe, apparemment. C'est ainsi qu'on croise des gens sur le fil en dérangement. Pas de raison, juste un blanc, peut-être même une panne de courant. Couleur du blues, ouais. Ah, ah, ah. Mmh. Ah, ah, ah. Mmh. Ah, ah, ah. Hey, hey, hey. Mmh. C'est la loose. Ah, c'est la loose. Couleur du blues. Vous êtes sur Radio Panique, c'était la loose d'Eddie Lagouyatch. Deuxième jour de la semaine, le premier rendez-vous lié au monde du travail depuis 3 semaines. C'est parti pour le forum. Et pour décrocher ce foutu rendez-vous, ça n'a vraiment pas été facile. Un premier appel, qui est évidemment redirigé vers un autre poste parce que c'est pas le bon numéro, puis encore un autre, et encore un autre, 5 fois de suite, tout ça pour arriver finalement à la première personne à qui elle a parlé. Avec ceci, je vais vous donner un duplicata. Avec le duplicata, vous ne l'envoyez pas recommandé au bureau régional à Namur. Eux vont vous renvoyer une copie du duplicata. Vous nous le refaxez, vous vous faites un autre duplicata avec ce duplicata-là. Vous le donnez au chauffeur de bus qui vous donnera votre abonnement. Si vous avez une photo, si vous n'avez pas une photo, ce qui peut arriver, tout le monde n'a pas toujours une photo avec moi, vous me la renvoyez, vous me revenez me voir et moi je vous fais un autre duplicata. Ah, le forum, cet endroit où les employés essayent de bon cœur de t'aider, mais malheureusement, ils ne comprennent pas l'essence même de la formation que tu as eue et le genre de boulot que tu cherches. Par exemple, alors que tu as étudié en journalisme, ils te proposent tout naturellement d'être confiseur itinérant ou dresseur dans un zoo. À un architecte, il propose un poste de manœuvre sur chantier, une formation d'assistant social en poche, et il te demande si tu n'es pas intéressé par un poste de guichetier dans les bureaux du forum. Alors Églantine, accablée et incomprise, réexplique une nouvelle fois à la bonne femme assise en face d'elle ce qu'elle attend de ce rendez-vous, mais c'est un échec. Mais je vous comprends bien, mademoiselle, mais vous n'êtes pas seule à chercher un emploi, nous faisons notre possible. Et estimez-vous heureux, ça ne fait quand même que 3 mois que vous cherchez. Et puis allez, vous êtes jeune, hein, vous avez encore toute la vie devant vous. Ouais. Après cette tirade d'excuses, elle lui raconte encore une petite anecdote comme quoi un certain Farid est venu hier et que lui, ben, ça fait quand même 15 ans qu'il est en galère, le pauvre. Mais tu sais bien que je suis au chômage. Ça fait combien de litres que t'es au chômage ? Elle était belle comme le jour, assise à la terrasse d'un café, les yeux bleus comme l'amour, comme la mer Méditerranée. Je me suis dit qu'elle et moi, on ferait bien un petit bout de route. fallait que j'aille lui parler coûte que coûte. Mademoiselle, vous êtes belle comme un soleil. Je vous regarde, ça fait des heures. Vous m'inspirez, mon émerveille. À votre lumière, je bronze. Et ce n'est pas là le seul effet que vous me faites face à vous. Me voilà désarmé. On pourrait dès demain tous les deux prendre le chemin de la vie main dans la main. Croyez-vous au coup de foudre, moi? Plus je vous vois, plus j'y crois. Avez-vous quelque chose de prévu pour les 500 prochains mois? La totale. Elle m'a dit, dégage, rentre à ta case. Mais tu m'as prise pour qui, espèce de gros naze? Allez, dégage, rentre à ta case. Aïe, aïe, remballe, remballe, remballe. Dans une boîte d'intérim, il recherchait des comédiens pour aller tourner dans un film au budget hollywoodien, avec des acteurs tout pourris. Roger Hanabu, Richard Berry, c'était la chance de ma vie. Ils allaient voir qui je suis. Bonjour madame, ne cherchez plus, ouvrez les yeux. Face à vous, le plus grand acteur depuis Gérard Depardieu. Encore plus fort que Belmondo, je fais moi-même mes cascades chaudes. Badaboum, regardez-moi cette roulade. Personnellement, je n'en fais pas une question d'argent. Pour ce qui est des détails financiers, veuillez voir avec mon agent. Signifiez au producteur que je désire le rencontrer. Dites-lui de faire au plus vite, vous savez mon agenda est très chargé. Lundi, 10h. Elle m'a dit, dégage, rentre à ta case. Mais tu t'es pris pour qui, espèce de gros naze? Allez, dégage, rentre à ta case. Aïe, remballe, remballe, remballe. Depuis que j'ai quitté l'Algérie, le pays de mon enfance, après avoir perdu ma famille et que j'ai débarqué en France, aussi loin que je me souvienne, on ne m'a jamais ouvert les bras. On ne m'a jamais dit je t'aime. On m'a toujours dit bouge de là. On m'a toujours dit dégage, rentre à ta case. Ici c'est pas chez toi, espèce de gros naze. Allez dégage, rentre à ta case. Aïe, remballe, remballe, remballe. Puisque personne ne veut de moi, que je n'ai pas ma place ici-bas, puisque chez moi n'existe pas, alors je retourne là-bas, voilà. Je me taille les veines, comme dans un film au cinéma. Je pars sans remords et sans haine, personne ne me regrettera. Mon âme s'élève, oh, dans le ciel. Adieu monde cruel, à moi le repos éternel. Une lumière étrange, là-bas au fond d'un long couloir. Et comme surprise de me voir, une grande dame en noir. Madame la mort, ah vraiment, vous êtes très belle. Vos yeux sont comme de miroirs qui me rendraient presque immortel. Croyez-vous que vous et moi, enfin sans vouloir vous forcer, nous pourrions unir nos âmes tous les deux pour l'éternité? Together, forever. Elle m'a dit dégage, rentre à ta case. C'est pas l'heure de mourir, espèce de gros naze. Allez dégage, rentre à ta case. Aïe, va vivre, va vivre, va vivre. C'est-à-dire, même la mort ne voulait pas de moi. J'ai donc dû redescendre sur terre, va qu'il y a des occupations terriennes, la montagne. Et la gambadan, gambadan, j'ai revu la fille de l'autre soir. Elle était toujours belle comme le jour. J'ai donc couru lui chanter mon amour. Et là, je sais pas quelle mouche l'a piqué. Je sais pas si elle avait gagné au loto. Là, je sais pas. Elle m'a dit, je t'engage, y'a Mohamed. J'irai où tu voudras, y'a pas de problème. Aïe, je t'engage, y'a Mohamed. Aïe, je t'engage, je t'engage, je t'engage. Elle m'a dit, y'a Mohamed, j'irai où tu voudras, y'a pas de problème. Aïe, je t'engage, y'a Mohamed. Aïe, je t'engage, je t'engage, je t'engage.

la tristitude, la tristitude te donne la tristitude, la tristitude te donne la tristitude, la tristitude, oh, la tristitude, la tristitude, c'est un peu de tristesse et de solitude, c'est comme de la tristitude plus rien, en tout cas c'est la tristitude, la tristitude, la tristitude, la tristitude, la tristitude, oh non, non, la tristitude, la tristitude d'Oldelaf dans le Memento sur Radio Panique 105.4 FM. De retour dans notre histoire, après un entretien d'embauche des plus bizarres, une journée sans boulot recommence pour notre Églantine. Il est 11h30. Églantine a fait un effort surhumain pour se lever malgré les circonstances et c'est à nouveau le rituel du matin qui se lance. Checker tous les sites d'annonces, se rendre compte qu'ils se font miroir entre eux, pour finalement comprendre qu'il n'y existe en fait que 4 véritables annonces de job dont elle n'a vraiment pas envie et qui recevront de toute façon 500 candidatures meilleures que la sienne. C'est le gros moment de bad où elle se sent vraiment comme la pire merde inutile au monde. Vient donc le triste moment d'élargir son horizon en diminuant ses exigences au niveau de la qualité du job par rapport à sa formation initiale. Elle se dit, bof, employée administrative pour un truc qu'elle n'a rien à voir. Pourquoi pas finalement? Et puis, oh, un super projet bénévole, c'est trop bien, ça me fera une ligne sur mon CV. La journée continue, une petite faim se fait sentir, direction le paquis juste en bas, parce qu'évidemment, le supermarché au bout de la rue, c'est beaucoup trop loin quand on a la flemme. En pleine hésitation entre des chips goût Biki Burger et une boîte de Zwan, son GSM vibre. Elle vient de recevoir un email, elle va le checker, tout en ayant abandonné l'espoir que ce soit une bonne nouvelle après tant de mails de refus, et là... Elle a décroché le job, elle va travailler, être payée, dépenser la moitié de son salaire dans un loyer beaucoup trop cher et enfin devenir une adulte. Elle va enfin pouvoir faire des soirées cheese and wine, prendre des cours de cuisine thaï, sortir au Châtelain, boire des spritz et contracter un emprunt pour acheter une voiture pour aller au boulot. C'est une nouvelle vie qui commence. The jungle, but don't live in a wongo. Wear my clothes, my elogs, I brush my fangs off hogs. There ain't a beast in the east that wants to make me his feast, 'cause I'm the coolest cat that this town knows. I'm roaming on and on and on, I'm hunting fowl to dot to dot, even cheers in everybody's lawn, spinning free when I sing a lazy yarn. I'm roaming on and on and on, I'm hunting fowl to dot to dot, even cheers in cheers in everybody's life, spinning free when I sing lazy. My game, my game, my lines in my eyes. Don't lie to defy you to try to squeeze my positive joy. Yes, I do love my tuna. Dolphins, belugas. Blade on my veins, but you can't explain them. Glad it's sailors off of the chain, yeah. I'm roaming on and on and on. I'm hunting fire to dot to dot. Moving cheers in everybody's lap. Spinning fear when I sing the lazy yarn. I'm roaming on and on and on. I'm hunting fire to dot to dot. Moving cheers in everybody's lap. C'était My Game de Deluxe, ce morceau qui marque malheureusement la fin de notre petit bout de chemin avec Eglantine. Thank you. We're going to take a short break. We'll be right back. Thank you. Okay, we're back. Thank you. Mais ne soyons pas tristes et nous revoici partis pour une demi-heure de bon son. Petit tour dans l'iPod d'Eglantine, seconde édition. On va démarrer directement avec Tiggs da Author avec Georgia parce qu'il commence à faire froid et qu'Eglantine pense déjà au moment où elle pourra trémousser ses fesses en plein soleil sur les plaines de festoche. Got me singing Georgia, I'd do anything for ya. It's written in stone, my confidence goes when you come. I wish I could know. I am melting my snow, make my heart to run. I don't need your love, but the one that the sunshine on winter day. When I wake up in the morning, then the light from the curtain hurts my eyes when I hide and see your face. One, two, three, oh! You got me singing Georgia. Yeah. Georgia de Tiggs the Author. C'est ce que vous venez d'écouter. Je vous propose, pour continuer, Dan Le Sac versus Scroobius Pip, Back from Hell, parce qu'elle vient de trouver un job. Le forum l'appelle pour un rendez-vous et elle dit « Non merci, j'ai trouvé un job ». One, two, three, four, five, four, three, two, one. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my... I'm sentimental. Oh no, I mean I'm sentimental. When I don't get what I want, I find it's hard just to be gentle. Gentle the rental of some self-control. When you lose your mind is when you start to find your soul. Unfolds this morning when I woke up. All the thoughts that I had just broke up. Ran back to my dreams and be choked up. Just memories of crystals spoke up. Well, I fucked with some that I wasn't expecting. Once in the battles that I asked me questions. Deeper I look till the hate-filled eyes. Where's are you only in disguise? So I jump to my feet. How the fuck I become so weak? Too soon I admit defeat. Grab a pen and start writing to the beat. And I wrote when I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my... Time went by, I realised you can't just drop out. But I'm telling you man, it's hard to block out the sound that rebounds and resounds again. Off the walls of my mind, cause I miss my friend. But now I'm on a mission to mend, the thing that broke may listen again. Stripped down, redesigned, constructed and improved. But a rest press mate, I'll be making my move. Hope me to come up elevated, but chances are I'll be inebriated. But that's cool, as long as the rain ain't stayed. The things I've learned have been erased and wasted. When you forget about a hand you dealt, what really matters is the things you felt. So if I can bring on the good and bad times, rapping the worst out of band of minds. When you forget about a hand you dealt, all that really matters the things you felt. So fuck it, bring on the good and bad times. Rap no words that I banned the minds. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. C'était Dan Le Sac versus Scroobius Pip avec Back From Hell. Et le prochain morceau est dédié au dernier moment de glande, la veille du premier jour de boulot. C'est le morceau I Sat By The Ocean, une reprise du groupe The Queens Of The Stone Age par Mark Ronson, Kevin Parker de Tame Impala. C'était I Sat By The Ocean, une reprise du groupe de Queens of the Stone Age par Mark Ronson et Kevin Parker de Tame Impala. Et on enchaîne direct avec WTF, Where They're From de Missy Elliott, grand retour qu'Eglantine attendait depuis longtemps. A bunch of girls do it and this shit look fun. That's how they do it where we from. You know it don't start till one. That's how they do it where they from. I'm so faded, no exaggeration. Back breaking like a percolation. Boys to the yard for some hips spanking. Way I make it drop down and like an animation. Can't take it, them chicks be faking. Y'all still sleep, better stay awake. Hot new dance for the hood I'm making. Make the don't move fast, make you think you're drinking. Head to the flow, don't collect that dough. You better huddle up cause the beat's so cold. Pop that cock. Low. This another hit, I got an ace in the hole. Boys on my back, player, did you pick that? You got a small stack, player, you can keep that. I'm a Big Mac, make you wanna eat that. Like, yak it to the yak. Junk in the trunk, make it pumps in the bump. Girls wanna have fun, make it sticking out the tongue. The dance that you're doing is dumb. How they do it, where you from? Hey. Sticking out the tongue, girl, but you know you're too young. A bunch of girls do it and this shit look fun. That's how they do it, where we from? You know it don't start till one. I'm coming to this bitch like liquid. Drip, drip, it's in the business. Click, click, get your pick lip. Hermes, trip against this. Hey, witness, and get lifted. Basic, nigga, I was born in a basement. Shape shift, nigga, I think like a spaceship. False, oh no, no, no. I am so different than y'all, so far apart. The way that I balance the bars, I never fall. And if I do, I just call the almighty yellow star, God. Lyrically, I'm Optimus Prime. Don't call I drive, look for a ride. When I go by, smoke in your eyes. So open your eyes, the joke's on you guys. And you ain't gotta be a mason to see through some of this shit on occasion. Shut it, what? The dance that you're doing is dumb. How they do it, where you from? Hey. Sticking out your tongue, girl, but you know you're too young. A bunch of girls do it and this shit look fun. That's how they do it, where we from? You know it don't start till one. That's how they do it, where they from? I'm like, make a new track, make them fall on they crack. What? Give them a slap appetizer and snack up so fat in the back, make the boys all collapse. Yeah, yeah, when I rap, they be all on my jack. Boys wanna tap on this pussy cat. Got a new idea, let me switch it. Man, I'm so futuristic. Big lips and big hips. Body be thick like a biscuit. With them different, ripping shit. Microphone gripping it. Getting these Benjamins, new car whipping it. I'm so far ahead of y'all. Man, I'm on top of the stars. I don't care none of your all. Blah, blah, blah, blah. You best to go rewrite your balls. How they do it, where you from? Hey, trifling. How they do it, where you from? What? That's how they do it, where we from. Hey. That's how they do it, where they from. Shut it, what? How they do it, where you from? Hey. How they do it, where you from? That's how they do it, where we from. That's how they do it, where they from. Where They're From de Missy Elliott dans le Memento sur Radio Panique. Alors, notre héroïne Eglantine a commencé à travailler et la vie active c'est top, mais un petit vent de nostalgie lui traverse l'esprit quand elle repense à son enfance, loin des tracas du quotidien et des responsabilités. Je vais pas te mentir, on veut pas grandir et vu le contexte, on se dit que ça pourrait être vachement pire. Je pourrais en parler pendant des lunes. Contre ces semblants de futur, je lâche des murmures dans le vent pour les enfants des rues. Trêve de hurlements, frangin chute, je chante. Mets-moi une tasse d'hydromel, un air de flûte de pan. Pain, pita, frites à part, pas de salade, petit rapace. Si ça marche, on te le dira pas. Nique les pirates, des marées basses. Dédicace les tziganes sales, les petites cailles des favelas. Appelle-les que tous tes copains débarquent. Ici ça rime à l'archivala, là, le grand Colin des bois. Y'aura pas de jambonade ou de carbonara sans fromage. Fantastique quand ça kick à la cantona, c'est fini la tristesse. On vieillit plus, on fait la fête. CIT a délivré Lily la tigresse. Qui veut encore du miel, dessert. Sur un nuage survol Bruxelles. Avec mes gosses du père, t'essayes. Tu m'as fait un gros popo. C'est vrai, oui. Le coffre à popo. Non pas ça, pas le coffre à popo. Non. On a grandi mais on s'est pas perdu. Laisse place et chute, tu vois nos têtes sur des affiches. Mais c'est pas child focus. Vision d'adulte avec des rêves d'enfant.